بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل دراستنا بفضل الله جل جلاله في القواعد المثلى التي ألفها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه سائلين الله المولى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد ذكر المصنف رحمة الله عليه أنه سمى هذا الكتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى فذكر معنى الحسنى قال الحسنى كما قيل في الشرح وذكرنا أن معنى الحسنى أنه مؤنث أحسن أي بالغة في الحسن غايته كما قال قال إن حسن أسماء الله ليس له غاية ولا منتهى ولا منتهى Donc on va continuer inshallah sur l'étude de ce noble livre, ce noble écrit qui est Al-Qawa'id Al-Muthla qu'a rédigé le grand savant Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymin. Et donc, on avait appris dans la dernière assise que l'auteur lui-même dit, je l'ai nommé, cet écrit-là, les règles, Al-Muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi al-husna. Donc, il a appelé ce livre, les règles, et le terme qu'il a cité en arabe, Al-Muthla. Et dans son commentaire lui-même, il dit, Al-Muthla ya'ni dhata al-wasf al-jamil fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna. وقدمنا الصفات مع أن الاسم سابق على الصفة من أجل تجانس الوقف المثلى الحسنى وتقديم المفضول من أجل هذه المراعاة موجود في القرآن وقال الله تعالى عن السحرة في سورة طه آمنا برب هارون وموسى كل أو كل هذا من أجل توافق الفواصل توافق الفواصل Et donc lui-même l'auteur Cheikh Ibn Uthaymeen dans son explication, dans son commentaire il explique aussi le terme Al-Muthla et nous dans la dernière assise on avait expliqué le terme Al-Husna Al-Husna et il explique aussi le terme dans son commentaire Al-Muthla et dit يعني ذات الوصف الجميل C'est celle qui détient une immense et une très belle description. Une immense et une très belle description. Il se dit concernant les attributs d'Allah et les noms qui sont nommés dans le Coran, qui sont décrits comme étant Al-Husna. Donc on avait dit c'est le terme en arabe. Le terme cité en arabe. Et donc il dit, on a fait devancer As-Sifat. Vous avez vu dans le titre, il a d'abord mentionné le terme As-Sifat avant de mentionner le terme Al-Asma, les noms. Alors que c'est l'inverse, les noms précèdent As-Sifat. Précèdent As-Sifat. Ma anna al-ism sabiqun ala as-sifati min ajli tajanusi al-waqf. Al-Muthla al-Husna. Et donc il dit lui-même, oui, nous avons d'abord fait devancer le terme As-Sifat. Ici c'était par rapport au parler. Par rapport au parler. Par rapport à l'éloquence ici. De sorte que il y a ce qu'il nomme Tajanus al-Waqf. Lorsqu'il s'arrête au niveau du parler, de la prononciation, on voit Tajanus Al-Waqf, Al-Qawa'id Al-Muthla, Fi Sifatillahi Ta'ala, Wa Asma'ihi al-husna, une sorte de rime, en quelque sorte, hein, entre guillemets. Et donc il dit, cela est permis. Cela est permis de faire devancer al-mafdoul min ajli hadhihi al-mura'ati mawjoud fi al-Qur'an. Donc c'est permis de faire devancer de cette manière al-mafdoul, qu'il cite en arabe, al-mafdoul, comme cela il dit, c'est existant et présent dans le Coran. Il dit qala Allah ta'ala ani sahara fi surati Taha. Allah, par exemple, dans le Coran, lorsqu'il fait allusion aux sorciers, dans la sourate Taha, Allah dit à leur sujet, Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Lorsqu'il dit, nous avons cru au Seigneur de Harun et de Moussa. Donc, Harun a été cité avant Moussa, alayhi as-salam. Et donc, Cheikh Ibn Uthaymeen, vous avez vu, il se base sur ça pour dire que parfois, on peut faire devancer al-mafdoul. Al-mafdoul, comme ici. C'est pour ça qu'il dit, il l'a nommé al-qawa'id al-muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi al-husna. Wa asma'ihi al-husna. Et donc, pourquoi il a cité l'asma al-husna après avoir mentionné al-sifat, alors que ça doit, les noms doivent précéder, il dit, ma'a anna al-isma sabiqun ala sifati min ajri tajanusi al-waqf. Hada huwa al-sabab. C'est pour cette raison-là. Et l'auteur lui-même de la parole est plus à même d'expliquer la raison pourquoi il a intitulé son livre de la sorte et nous expliquer l'intitulé de son livre. C'est pour ça que le fait de pouvoir lire le commentaire et l'explication de l'auteur lui-même, c'est quelque chose d'immensément pertinent. On reprend alors à la première règle, puisqu'hier on avait commencé la première règle. Donc comme j'avais dit dans des assises précédentes, on va essayer d'avancer. Donc dans le commentaire, on va prendre des parties que je vais détailler au niveau du commentaire. Et puis s'il y a des parties qu'on peut laisser pour après, ou bien on peut avancer, on avancera, Inch'Allah, pour qu'on puisse étudier les règles qu'a mentionné Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullahi alayh. Alors il dit, la première règle, il mentionne al-qa'adatul ula. La première règle, elle est liée, au nom d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit kulluha husna. Al-qa'adatul ula asma'ullahi ta'ala kulluha husna. La première règle va être liée au fait que les noms d'Allah Azza wa Jal sont tous husna. Vous avez vu, on reste sur le terme en arabe, souvent traduit en français par sublime. On avait dit, husna, c'est l'extrême beauté. Al-husna, c'est le superlatif. Mais c'est le féminin. Le masculin, on avait dit, en arabe, c'est al-ahsan, le meilleur, le plus beau. Ça, c'est le muzakkar, c'est le masculin. Le superlatif, pour dire le meilleur, le plus beau, mais superlatif féminin, c'est al-husna. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus beau et de meilleur. C'est ça le terme ahusna. C'est pour ça que je le répète en arabe pour qu'on puisse bien le comprendre. Et on avait dit que al-asma, al-husna, cette appellation-là, elle est présente dans le Coran. Et dans la dernière assise, on avait mentionné les passages du Coran où il y a cette appellation, walillahi al-asma al-husna, fad'uhu biha. Comme Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, et à lui, Allah, appartient les noms al-husna. C'est pour ça qu'on pourrait traduire par les meilleurs noms, les plus beaux noms, les noms sublimes. On pourrait les traduire de cette manière dans la langue française. Et donc on avait dit, aussi bien dans la sourate Taha, aussi bien dans la sourate al-Hashr, aussi bien dans la sourate al-A'raf, cela est mentionné. Après que l'auteur, dans son commentaire, il nous explique le terme al-husna, donc la première règle, quelle est la première règle? C'est que les noms d'Allah sont husna, sont les meilleurs, les plus beaux. Il n'y a pas de plus beau nom que les noms de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est ce que va nous expliquer l'auteur dans cette première règle. Donc si on a compris la première règle, donc on va pouvoir lire ce que dit maintenant l'auteur concernant cette règle. Il dit Ey, balighatu fil husn ghayatah. C'est-à-dire que cette beauté-là est à l'extrême. Il explique le terme husna, walillahi al-asma al-husna, cette beauté-là des noms de notre créateur est à l'extrême. L'extrême perfection, l'extrême beauté. Walillahi al-asma al-husna. وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. L'auteur maintenant nous explique pourquoi ces noms-là sont à l'extrême perfection. Parce qu'il dit, ils sous-entendent ou induisent des attributs parfaits. Ils sous-entendent ces noms sublimes, ces plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, sous-entendent des attributs de perfection. Des attributs de perfection, pourquoi on dit attributs de perfection ? Des attributs qui sont dénués de toute forme d'imperfection. Quelles que soient les imperfections, les attributs de notre Créateur sont dénués, exemple, de toute forme d'imperfection. Que cette imperfection soit supposée ou sous-entendue. Et notez bien cela. Et l'auteur va expliquer cela. Que l'imperfection soit supposée ou bien qu'elle soit en quelque sorte sous-entendue. Les attributs d'Allah Azzawajal sont dénués, exemple de toute forme d'imperfection, d'une manière claire. Mais bien plus encore, il dit que ces imperfections soient supposées, c'est ce qu'il dit, l'ihtimalan wa la taqdiran, que ce soit par supposé ou bien sous-entendu. Ni il n'y a d'imperfection qui soit supposée, ni il y a d'imperfection qui soit sous-entendu. Qala, il dit donc, dans l'explication, il va nous expliquer quelque chose de très important. C'est ce que j'avais lu dans la dernière assise en arabe, et dont on devait traduire aujourd'hui en français, en demandant Al-Aoun min Allahi Azza wa Jal, l'aide et l'assistance d'Allah Azza wa Jal dans cela. Lui-même, l'auteur dit Wa'alam anna al-alfaz imma an tadulla ala ma'nan naqis naqsan mutlaqa wa imma an takuna dallatan ala kamalin fi halin wa naqsin fi hal wa imma an takuna dallatan ala al-kamali lakin la ghayata al-kamal lakin la ghayata al-kamal. وإما أن تكون دالة على غاية الكمال فهذه أربعة أقسام. Et là, notez bien. L'auteur va nous parler de Al-Alfaz, qu'on pourrait traduire par les mots, ou les énoncés. Les mots. Les mots, dit, sont de quatre catégories. Il va citer quatre catégories de mots. Et cette subdivision là, il faut bien la comprendre. Cet enseignement là que va donner Cheikh, il faut bien comprendre. Et dit al-qism al-awwal, la première catégorie de mots, il dit, ce sont des mots qui indiquent l'extrême perfection. Notez bien, la première catégorie de mots, ce sont des mots, des alfaz, qui indiquent l'extrême perfection. C'est-à-dire que ces mots-là ne peuvent pas supposer une déficience, un manquement ou une imperfection, ni sous-entendre ou induire cela. Ils indiquent la perfection à l'extrême. Cette catégorie de mots qui indique la perfection à l'extrême, ceux-là sont les noms d'Allah Azza wa Jal. Cette catégorie-là, takun min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Donc ces mots-là, comme on l'a dit, laysa fiha naqsun abadan. Il ne peut pas y avoir d'imperfection, ces mots. Deuxièmement, l'ihtimalan. Et troisièmement, la taqdiran. Ni que c'est une imperfection qui soit supposée, ni une imperfection qui pourrait être sous-entendue. Ou qu'elle, ces mots-là, ces al-fadra, ces énoncés-là, induisent une imperfection. C'est impossible. Ça, c'est la catégorie des noms d'Allah Azza wa Jal. C'est la perfection à l'extrême. Al-qism al-thani, la deuxième catégorie de mots, madalla ala kamalin, lakin yahtamilu naqs bi at-taqdir. Regardez ce qu'il dit. C'est des noms qui peuvent indiquer une perfection, mais pas à l'extrême. C'est des mots qui peuvent indiquer une perfection, mais pas à l'extrême. Donc, il dit, ils peuvent supposer une imperfection ou sous-entendre une imperfection. فَهَذَا لَا يُسَمَّ بِهِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى. Cette catégorie de mots, on ne peut pas appeler et nommer notre créateur Allah Azza wa Jal par cette catégorie de mots. Observez bien, madalla ala kamal, ce sont des mots qui indiquent quoi? Une perfection, qui indiquent la perfection. Sauf que ces mots-là peuvent supposer ou induire ou sous-entendre une imperfection. Donc si vous voulez, pour résumer ça, ces mots-là n'indiquent pas une perfection à l'extrême, différemment de la première catégorie. Qala, cette deuxième catégorie, pourquoi le shir en parle, il la cite, de sorte qu'on ne peut pas nommer Allah Azza wa Jal. C'est ça le lien avec le sujet. On ne peut pas nommer Allah Azza wa Jal par ses noms. Lakin yukhbaru bih. Par contre, ce qu'on a le droit de faire, c'est d'informer au sujet d'Allah Azza wa Jal par ses mots. On peut informer au sujet d'Allah Azza wa Jal par ses mots. Li'anna bab al-ikhbari awsa. Pourquoi? Parce que le domaine des informatifs, parce que ce sont des informatifs, le domaine des informatifs est plus vaste. Et plus vaste, il dit. Mithl, il va donner des exemples. Il va nous donner des exemples dans son commentaire de mots qui, à la base, sont des mots qui indiquent une perfection. Notez-le bien, cela. Mais, pas une perfection à l'extrême, différemment du premier cas. C'est-à-dire, ils peuvent supposer ou sous-entendre ou induire une imperfection. Comme Al-Mutakallim, مثلاً. Al-Mutakallim, c'est le locuteur, celui qui parle. Al-Mutakallim. Ou Ash-Shai, celui qui veut, celui qui détient la volonté, qui veut. Alladhi yasha'u. Al-Muridu, de même Al-Murid, pour sous-entendre, celui qui veut. Wasali'a, celui qui façonne, qui crée aussi, on pourrait dire. Wasali'a. Wal-Fa'il, Al-Fa'il, celui qui fait. Wama ashbaha dhalik. Hadhihi kalimatun la yusamma Allahu biha. Ces mots-là, on ne peut pas appeler Allah Azza wa Jal. On ne peut pas nommer Allah Azza wa Jal par ces mots-là. Et donc, de ce fait, lorsqu'on dit qu'on ne peut pas, qu'est-ce qu'on apprend? C'est très important. On a vu dans les versets qu'on a étudiés précédemment, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُهُ بِهَا. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les noms divins, avec les noms d'Allah Azza wa Jal? Parmi les choses qu'on peut faire, c'est de là, lorsqu'on dit qu'on peut faire, comment on peut adorer Allah Azza wa Jal par ses noms? Par exemple, en l'invoquant par ses noms. En l'invoquant par ses noms. Ce qui ne fait pas partie de ses noms. On ne dit pas Ya Mutakallim. On nomme pas Allah Al Mutakallim. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? Ces noms qui sont à la base, qui dénotent une perfection, mais peuvent supposer ou sous-entendre une imperfection, on peut informer au sujet d'Allah Azza wa Jal. Dire qu'Allah il est Mutakallim. On peut dire au sujet d'Allah qu'il est mutakallim, mais pas l'appeler par ce nom-là. Ou bien dire qu'Allah huwa murid, Allah veut, par exemple. Ou sani'a, Allah façonne, crée. Ou fa'il, Allah fait. Donc, on peut informer au sujet d'Allah Azza wa Jal par ces noms. Mais est-ce que ces noms-là, الصانع الفاعل المريد الشائي est-ce que ces noms-là font partie de l'asma al-husna fala non pourquoi ils ne font pas partie déjà de l'asma al-husna et parmi les causes aussi comme nous l'explique l'auteur il y a des mots qui peuvent indiquer la perfection mais peuvent supposer selon un aspect une imperfection. Ces mots-là, on ne peut pas informer, on peut pas nommer Allah Azza wa Jal par ces noms-là. Par contre, comme il dit, on peut informer au sujet d'Allah Azza wa Jal. Fanaqul. Là, il va mieux nous détailler cela et nous expliquer le pourquoi. Comment ces noms-là peuvent être des mots, ou ces mots plutôt, peuvent être des mots qui dénotent une perfection, ou indiquent une perfection, mais peuvent supposer ou sous-entendre l'imperfection. Il va nous expliquer. Il dit Inna Allah mutakallim, wa inna Allah sha'in, wa inna Allah muridun, wa inna Allah fa'alun, wa lam takun min al-asma, li'anna al-mutakallim, qad yatakallamu bima yuhmad, wa qad yatakallamu bima yudham, lakin al-kalam nafsah kamalun, fa-mutaallaku dhalika al-kalam, wa mawdu'ah, qad yakunu madhan, wa qad yakunu dhamman. فالمتكلم بالمعروف متكلم بكمال والمتكلم بالمنكر متكلم بنقص ولهذا لم يكن من أسمائه وصح أن يخبر به على سبيل الإطلاق والمريد كذلك فأصل إثبات الإرادة وأن الفاعل يفعل بإرادته هذا كمال ولهذا كان المريد أكمل ممن لا يريد فالإنسان أكمل من الحيوان لأن إرادته أتم قال والحيوان أكمل من الشجر لأن إرادته أكمل والمختار للشيء أكمل من المكره عليه لأن إرادته أكمل لكن ليس كل مريد أو كل مراد خيرا فقد يريد الإنسان الخير ولا يريد الشر ولهذا لم يكن المريد من أسماء الله لكن مما يخبر به عن Et là, c'est très pertinent ce que nous explique l'auteur. Et nous dit en ce qui concerne par exemple le mot Al-Mutakallim, celui qui parle, le locuteur si on peut dire, de la sorte. Celui qui parle, à la base le fait de parler, ça indique la perfection. Parce que l'imperfection, ça serait de ne pas pouvoir parler. Donc celui qui ne peut pas parler, ça, c'est l'imperfection. Donc le fait de pouvoir parler, ça indique la perfection. Sauf que, celui qui parle, selon une considération, un aspect, il peut dire des choses bien. Comme il peut dire des choses mauvaises. Lorsqu'une personne parle et dit des choses bien, des bonnes choses, il profère de bonnes paroles, ça c'est considéré comme kamal, comme la perfection. Par contre, lorsque la personne parle et profère des mauvaises paroles, ça c'est considéré comme de l'imperfection. Et un manquement. Donc, à la base, al-mutakallim, ce mot-là, dénote la perfection, mais selon un aspect, il peut sous-entendre. Il indique à la base la perfection, mais selon une considération, il peut sous-entendre ou supposer. Il y a soit l'ihtimal ou taqdir, l'imperfection. Comme le fait de vouloir, l'auteur donne l'exemple de vouloir aussi. Il dit vouloir à la base. Le fait de vouloir, al-murid, c'est un mot qui indique la perfection. Par contre, on peut vouloir quelque chose de louable, comme on peut vouloir quelque chose de ne pas louable. Et donc, lorsqu'on veut quelque chose de bien et de louable, ça c'est considéré comme la perfection. Par contre, lorsqu'on veut quelque chose de non louable, ça c'est considéré comme un manquement et une imperfection. De même, il dit, le fait de faire. Le fait, par exemple, aussi, de faire. Donc, vous avez vu, selon un aspect, ça peut être élogieux, et dans un autre aspect, ça peut être blâmable. Lorsqu'une personne profère de bonnes paroles, c'est élogieux pour lui. Par contre, lorsqu'il profère de mauvaises paroles, c'est pas élogieux, mais c'est blâmable. Comme il le dit, قَدْ يَكُنْ مَدْحَنْ وَقَدْ يَكُنْ ذَمَّنْ. Donc une personne, il peut être complimenté pour des paroles, comme il peut être blâmé pour des paroles. Et il dit Al-Murid. Kadarika fa aslu ithbat al-irada. Wal-fa'il kadarik. Donc il a parlé aussi du terme celui qui veut. Il a parlé du mot aussi celui qui fait. Celui qui fait. Et là, le cheikh va nous donner une très belle faïda pour bien comprendre le sens des mots. Regardez, il dit Al-Murid kadarika fa aslu ithbat al-irada. Al-Murid, à la base, on confirme ici la volonté. On confirme la volonté. C'est pour ça que Al-Murid, celui qui veut, à la base, ça indique quoi? Une perfection ou une imperfection? Ça indique la perfection. Pourquoi? Parce que celui qui ne peut pas vouloir, ça c'est l'imperfection. Tandis que la perfection, c'est de pouvoir vouloir. Wa anna al-fa'il yaf'alu bi iradati hadha kamal. Comme celui qui fait, al-fa'il. Il fait selon son bon vouloir, selon sa volonté. Donc ça, c'est une perfection. Ça indique une perfection. Sauf que, il dit, وَلِهَذَا كَانَ الْمُرِيدِ أَكْمَلْ مِنْ مَنْ لَا يُرِيدِ. Donc celui qui veut est plus parfait que celui qui ne peut pas vouloir, qui ne veut pas. فَلْإِنْسَانِ, par exemple. Pourquoi l'homme, l'individu, est plus parfait que l'animal? Parce qu'il dit, لِأَنَّ إِرَادَتَهُ أَتَمْ. Parce que sa volonté à l'homme est plus parfaite que la volonté de l'animal. Pourquoi l'animal est plus parfait et meilleur que Ashajar? Que par exemple, l'arbre. Pourquoi l'animal est plus parfait que l'arbre? Parce que celui-ci, sa volonté est plus parfaite. Est plus parfaite que celui-ci. Qala. Pourquoi celui qui est Al-Mukhtar? Al-Mukhtar, c'est celui qui a la capacité de choisir. Pourquoi celui qui a la capacité de choisir est meilleur et plus parfait que celui qui est contraint? On a en arabe Al-Mukhtar et on a Al-Mukrah. Al-Mukrah. Al-Mukrah, c'est celui qui est Mujbar. C'est celui qui est contraint. Il est sous la contrainte. Pourquoi celui qui a sa pleine volonté, qui est Mukhtar, qui choisit, est meilleur que celui qui est contraint? Parce que sa volonté à lui est plus parfaite. Parce que sa volonté à lui est plus parfaite. Celui qui est contraint, il ne peut pas choisir. Il ne peut pas choisir. Qala li anna iradatahu akmal. Qala lakin laysa kullu muradin khayran. Sauf que maintenant on a vu, c'est lié à la perfection de la volonté. Sauf qu'ensuite l'auteur nous dit, mais ce n'est pas toute volonté qui est parfaite. À la base, la volonté, comme on l'a dit, indique une perfection. Mais ce n'est pas toute volonté, selon une certaine considération, qui est forcément parfaite. Celui, par exemple, qui veut le bien, celle-ci est louable. Par contre, une personne peut vouloir l'inverse du bien, c'est-à-dire le mal. Donc, selon cet aspect-là et cette considération-là, le fait de vouloir le mal, ce n'est pas une perfection. Ce n'est pas une perfection. وَلِهَذَا لَمْ يَكُنَ الْمُرِيدِ. Et pour cela, الْمُرِيدِ, celui qui veut, ne fait pas partie des noms du Créateur. Ne fait pas partie des noms d'Allah, Azza wa Jal. Donc, vous avez pu comprendre maintenant, dans cette deuxième catégorie de mots. Je répète, la deuxième catégorie de mots, ce sont des mots qui indiquent la perfection. Comme la première catégorie de mots. Sauf que la première catégorie de mots, et ces mots-là, ce sont les noms du Créateur, les noms sublimes d'Allah Azzawajal, ce sont des mots qui indiquent la perfection, mais l'extrême perfection, l'extrême. Tandis que la deuxième catégorie de mots, ce sont des mots qui indiquent la perfection, mais pas à l'extrême. C'est pas l'extrême. C'est pas Rayatul Kamal. Et donc, si ils indiquent la perfection mais pas l'extrême, c'est-à-dire qu'ils supposent une imperfection ou peuvent sous-entendre ou induire une imperfection. On a dit la règle, on ne peut pas nommer et appeler notre Créateur par ces noms-là. Malgré qu'ils indiquent la perfection, mais selon un certain aspect, une considération, ils peuvent induire ou supposer une imperfection comme on l'a expliqué dans ce qui a précédé. Qu'est-ce qu'on peut faire alors avec ces mots-là? On peut informer au sujet d'Allah. Comme Al-Mutakallim, Al-Sani, Al-Sha'i, al-fa'il, par exemple. Mais ils ne font pas partie des noms sublimes d'Allah Azza wa Jal, par laquelle on peut l'invoquer. Par laquelle on peut l'invoquer. Al-qism al-thalith, la troisième catégorie de mots. Il dit, الذي يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى في نفس المعنى قال لا في متعلق فهذا لا يطلق على الله تعالى وإنما يذكر مقيدا مثل المكر والخداع والاستهزاء والكيد فلا نقول إن الله ماكر على سبيل الإطلاق ولا نقول إن الله كائد على سبيل الإطلاق لأن نفس الكيد ذاته ينقسم إلى محمود ومذموم فلا يمكن أن نطلقه على الله عز وجل بل نقول إن الله عز وجل ماكر بمن يمكر به ومستهزئ بمن يستهزئ به. La troisième catégorie, l'auteur dit, ce sont des mots qui supposent, la troisième catégorie de mots, ce sont des mots qui supposent l'imperfection et qui peuvent supposer la perfection. Ce sont des mots qui supposent l'imperfection, yahtimal, yahtimal, al-kamal, ou yahtimal, al-naqs. Il dit, la fil muta'allaqi fahada la yutlaq ala Allah ta'ala. Et donc, il dit, ces mots-là, on ne peut pas nommer Allah Azza wa Jal de manière absolue. De manière absolue. Mais, on peut les mentionner d'une manière conditionnée et liée. D'une manière conditionnée et liée. Par exemple, le terme en arabe « al-makr » ou bien le terme « al-khida » ou bien le terme « al-istihza » ou bien le terme « al-kaid » par exemple. Le fait, par exemple, de ruser. Le fait de comploter. Le fait de se moquer. Ça peut sous-entendre l'imperfection. Le fait de ruser, moquer, de comploter. Ça peut sous-entendre l'imperfection. Mais ça peut sous-entendre la perfection aussi. Pourquoi ? Celui, lorsque d'autres rusent et complotent contre lui, si lui ne peut pas ruser et comploter, c'est une imperfection. Mais si lorsque d'autres se moquent ou rusent ou complotent, lui peut, c'est considéré comme la perfection. C'est considéré comme la perfection. Donc de ce fait, les savants disent, on ne peut pas nommer Allah Azza wa Jal par ces mots d'une manière absolue. On ne peut pas dire Allah Makir. On ne peut pas dire Allah Mustahzi. D'une manière absolue. Par contre, lorsque c'est lié, c'est conditionné. Il se moque d'eux. Il ruse et complote. Wa makaru wa makara Allah. Wallahu khayru al-makirin. Par contre, lorsque c'est lié, lorsque certains rusent, alors Allah peut ruser. Allah ruse. Ça, on a le droit de le dire. Pourquoi c'est dit dans le Coran? Allah, dans un verset, dit wa makaru wa makara Allah. Wallahu khayru al-makirin. Et une traduction relative, c'est le fait de ruser. Une traduction relative et rapprochée, lorsque eux font cela, Allah fait cela. Et Allah est meilleur. لَمَّ مَكَرُوا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. Lorsqu'ils ont fait le makr, Allah makar. Allah fait le makr. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكَرِينَ. Et Allah dit qu'il est le meilleur des makarines. De manière absolue, lorsqu'on dit عَلَى الْإِطْلَاقِ, c'est le dire seul de manière absolue. Notre créateur ruse, non. On ne le dit pas de manière absolue. Par contre, lié et conditionné, comme on l'a cité précédemment, et comme c'est cité dans les versets, ça, est-ce qu'on peut le faire ? Naam. Et la preuve est dans le Coran. Donc vous avez vu les grands théologiens musulmans, les savants, lorsqu'il s'agit de parler du Créateur, ils craignent leur Créateur. Ils ont peur d'Allah. On ne peut pas parler sur Allah Azza wa Jal sans savoir et sans connaissance. C'est pour cela que il reste sur les textes. Et il ne nous troupasse pas les textes. ils ne vont pas au-delà des textes. Les mauvaises compréhensions et les divergences qui ont émergé plus tard, c'est lorsque les gens sont sortis et ont repassé les textes. Allah Azza wa Jalla nous informe à son sujet dans le Coran. Nous nous informons au sujet d'Allah comme Allah lui-même s'est nommé et s'est décrit. Donc Allah Azza wa Jalla dans le Coran s'est décrit. Notre Créateur s'est décrit. Pour qu'on puisse le connaître. Subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'étude de ce livre. On le fait de manière, on va essayer de faire de manière très simple. C'est ça l'étude de ce livre. Et normalement, parmi les fruits et les bénéfices de l'étude de ce livre, c'est que normalement ensuite le croyant, plus il apprend à connaître son Créateur, plus il va avoir de la dévotion. Normalement, ensuite, notre dévotion, notre révérence, notre crainte du Créateur subhanahu wa ta'ala va s'intensifier. De sorte, dans nos prières, on doit connaître plus de dévotion, plus de concentration. C'est ça la faïda du ilm. Le bienfait de la science, c'est ça. Innama irshallah min ibadihi l'ulama. Certes, vraiment, ceux qui ont le khashia, la crainte révérentielle du Créateur, ce sont les ulama. Ceux qui ont la connaissance du Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc, l'ilm, ça doit nous mener vers le khashia. Si la personne observe que l'ilm, ça ne le mène pas vers le khashia, alors il faut qu'il s'interroge et fasse son examen de conscience. Il faut s'interroger. L'ilm, c'est pas pour amasser, rassembler riwayat, mémoriser, et pour faire montrer qu'on a du savoir et de la connaissance, et pour s'en vanter. L'ilm n'est pas une parure dont on doit s'en vanter juste pour autrui, pour les autres, mais c'est vraiment pour connaître notre Créateur et avoir de la dévotion, avoir de la concentration lorsqu'on prie, avoir la crainte de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Et donc, mieux on le connaît, mieux, alors ensuite, on sait comment l'appeler. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Comment l'appeler? On ne peut appeler Allah Azza wa Jalla qu'avec des noms qui indiquent la perfection à l'extrême. Les noms d'Allah, pourquoi ils sont le husna? Parce qu'on vient d'apprendre, parce que les noms de notre Créateur, pourquoi ce sont les meilleurs noms, les plus beaux noms, qui détiennent la perfection à l'extrême? Pourquoi? Parce que ce sont des noms qui indiquent qu'une perfection. En aucun cas, ils peuvent sous-entendre ou dénoter ou induire une imperfection. Lorsqu'on dit As-Sami'a, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Wadud, Al-Karim, Al-Aziz, Al-Hakim, tous ces noms-là sublimes d'Allah Azza wa Jalla, comment on va les apprendre? Puisqu'il y aura un chapitre où l'auteur va faire quelque chose d'immense. Il va faire quelque chose, vraiment un travail immense. Il va chercher dans le Coran et dans la pure tradition prophétique les 99 noms. Comme dit le prophète dans un hadith, celui qui apprend les 99 noms, il est cité le terme « Man ahsaha dakhal al-jannah ». Celui « ahsaha », c'est-à-dire celui qui va les apprendre, les comprendre, mettre ça en pratique à travers sa pratique. Ces 99 noms, le prophète dit, celui qui les apprend, il rentre au paradis. « Dakhal al-jannah ». Il rentre au paradis. L'auteur va faire quelque chose, on va étudier un chapitre, quelque chose d'immense. Il va chercher dans le Coran, dans tout le Coran, lui, il va essayer de trouver les 99. Et dans tout le Coran, il va les citer. Tout ce qu'il a trouvé dans le Coran, il va citer tous les versets, toutes les preuves, et ensuite, il va chercher dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ceux qui sont dans les textes authentiques. Parce qu'on ne peut pas confirmer un nom sublime d'Allah Azza wa Jal à travers ou par le biais d'un texte qui n'est pas authentique. Et donc, du Coran et de la tradition du prophète, sallam, il va mentionner les 99 noms d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'il nous restera à faire, pour ceux qui peuvent, c'est de les apprendre. Les apprendre, essayer de les comprendre. Alors, on continue, il nous reste la quatrième catégorie de mots. La quatrième catégorie, il dit, مدل على نقص محض فلا يسمى الله به ولا يوصف الله به Maintenant, la quatrième catégorie de mots, ce sont des mots qui indiquent l'imperfection totale. Ils indiquent l'imperfection. Allah Azza wa Jal, on ne peut pas le nommer par ces noms-là. On ne peut pas appeler Allah Azza wa Jal par ces mots-là. Mais aussi, contrairement à la deuxième catégorie de mots, on ne peut pas décrire ou informer au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala par ces mots-là. Pourquoi ? Parce qu'on a dit la deuxième catégorie de mots qui indique la perfection, mais peuvent sous-entendre, selon une considération, un aspect, on peut informer au sujet d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, comme on a dit précédemment, vous avez le droit, on a le droit, les savants nous disent qu'on a le droit de dire, par exemple, qu'Allah il est mutakallim. Qu'Allah parle. Wa kallama Allahu Musa takliman. Dans le verset, Allah dit qu'il a parlé à Moussa. Un jour, un homme s'est rendu chez un grand imam. Un homme qui réfutait. C'était une doctrine dont il réfute l'affirmation des attributs d'Allah. Pourquoi ? Parce que certains ont été éprouvés sur le fait que, vous savez que tout musulman veut affirmer la perfection d'Allah et attribuer la perfection à Allah. Ça fait partie des grandes adorations. On doit attribuer la perfection à l'extrême à notre Créateur. Certains de notre communauté ont pensé que pour lui attribuer l'imperfection, il fallait justement nier les attributs divins. Et ça, c'est la doctrine de l'I'tizal. Alors eux, lorsqu'ils ont vu des passages dans le Coran, « Wa kallama Allahu Musa takliman », ça a posé un problème, puisque dans le verset, il est dit « Allah a parlé au prophète Moussa ». C'est pour ça que le prophète Moussa est nommé comme Kalimullah. C'est le prophète dont Allah Azza wa Jal lui a parlé. Moussa a parlé avec Allah Azza wa Jal. Il a parlé avec le Créateur. Et donc un jour, un homme qui appartenant, un partisan de cette doctrine, qui nie les attributs du Créateur, s'est rendu chez un imam. Il lui a dit, pourquoi on ne lirait pas le verset « Wa kallama Allah Moussa takliman » ? Pourquoi on ne mettrait pas une fatha sur l'afdhul jalala. L'afdhul jalala, vous avez vu qu'on le lit, les voyelles sont très importantes. Lorsqu'on lit le verset, on dit « Wa kallama Allahu Musa takliman ». Et lorsqu'on met « Dhamma » fait l'afdhul jalala, sur le nom d'Allah Azza wa Jal, « Wa kallama Allahu », lorsqu'on le prononce comme ça, il n'y a pas d'équivoque. Ça veut dire que c'est Allah Azza wa Jal qui a parlé au prophète Moussa alayhi salam. Donc un homme est venu voir un imam, il lui a dit pourquoi on ne mettrait pas une fatha ? Pourquoi on ne lit pas « Wa kallama Allah » avec la fatha ? Moussa, elle apparaît pas, la voyelle. Donc, il pouvait quelque part jouer ce jeu, puisque la voyelle dans Moussa, elle n'apparaît pas. Donc on ne sait pas ce qui est. Il pourrait être « El-fa'il » ou bien « El-mef'ul bihi » dans la langue arabe. Donc il a pu jouer à ce jeu. Et l'imam lui a répondu « Et que dirais-tu du verset « Wa kallamahu rabbuh » ?»« Wa kallamahu rabbuh » Dans un autre verset, Allah dit « Et son Seigneur lui a parlé. » Et là, « rabbuh » On ne peut pas jouer sur la voyelle. « Wa kallamahu rabbuh » Et là, l'homme est resté stupéfait, ébahi, il n'a pas pu répondre. Il n'a pas pu répondre. Et ça, ça dénote vraiment l'importance des voyelles. Et il y a un grand enseignement aussi. On ne peut pas parler au sujet d'Allah selon nos passions. Allah, dans le Coran, a dit qu'il a parlé à Moussa, alayhi salam. Allah nous a informé à son sujet. Il connaît mieux sa personne, subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas nier parce que notre passion n'accepte pas ce fait. On l'accepte sans falsifier le sens, sans altérer l'énoncé, mais sans se poser le comment. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal a parlé à Moussa ? Wallahu a'lam. Comment est-ce que celle-ci, cette parole est comparable à l'être humain ? Kama yaliqu bi jalali. C'est comme il sied et il convient à la majesté du Créateur et à sa magnificence. Subhanahu wa ta'ala. On ne rentre pas dans le comment. On ne s'imagine pas le comment et on n'essaye pas de comparer la créature au Créateur. Tout simplement. Donc, pour terminer, la quatrième catégorie de mots. La quatrième catégorie de mots, ce sont des noms ou des mots, ni on peut nommer Allah Azza wa Jal par ces mots, ni on ne peut le décrire. comme Al-Mutakallim. On peut décrire Allah Azza wa Jalla et informer au sujet d'Allah avec le mot Al-Mutakallim. Al-Sani'a, Al-Fa'il, Al-Sha'i par exemple. Ces mots-là, on ne peut pas. Il faut même les nier. Par exemple, Al-Ama, Wa-Samam, Wa-Al-Ajz, Fala yumkin an taqul kada. Tu ne peux pas attribuer cela au Créateur. Par exemple, l'incapacité, la sourdité, le fait d'être aveugle. Ça, c'est des mots qui dénotent, indiquent l'imperfection. Donc ça, on ne peut pas nommer notre Créateur par ces mots-là. Par ces mots-là. Fasarat aqsamun arba'a. Et donc l'auteur, maintenant résume, il dit donc, qu'est-ce qu'on a ? On a quatre catégories de mots. Quatre catégories de mots. Premièrement, et là vous pouvez résumer, tout simplement, tout ce qu'on vient de dire, vous pouvez résumer avec cette partie-là. Et même si vous voulez apprendre, apprenez cette partie, parce que là, Shir, il va résumer, ça va être condensé. Il dit, première catégorie de mots, kamalun mahdun fi dhati wa mawdu'i. فهذا يكون من أسماء الله. Vous pouvez retenir كمال محض في ذاته وموضوعه. Tout simplement. Première catégorie de mots, les mots qui indiquent la perfection totale à l'extrême. La perfection totale à l'extrême. Ces mots-là, on peut nommer, on peut appeler notre Créateur par ces mots-là. Deuxième catégorie de mots, كمال في ذاته لا في موضوعه. لا في موضوعه. بل ينقسم. La deuxième catégorie de mots, on a dit ce sont des mots qui indiquent la perfection à la base, mais peuvent supposer ou bien sous-entendre une imperfection. Cela, on ne peut pas appeler Allah Azza wa Jal par ces noms-là, mais par contre, on peut affirmer à son sujet. Troisième catégorie de mots. Ma yakunu kamalan wa naqsan fi dhati. Troisième catégorie de mots, c'est ceux qui peuvent supposer une perfection comme ils peuvent supposer une imperfection. Vous avez vu la différence avec la deuxième catégorie de mots. À la base, ils indiquent la perfection. Sauf, c'est quoi la chose dans cette deuxième catégorie qui diffère avec la première catégorie ? C'est qu'ils peuvent sous-entendre une imperfection selon un aspect. C'est-à-dire que la différence entre la première catégorie et la deuxième catégorie, la première catégorie indique la perfection à l'extrême. La deuxième catégorie n'indique pas la perfection. La perfection à l'extrême. La troisième catégorie peut supposer l'imperfection, sous-entendre l'imperfection comme la perfection. On ne peut pas nommer Allah par ses noms. Par contre, quand c'est d'une manière absolue, on ne peut pas nommer Allah Azza wa Jal de manière absolue. Par contre, on peut le faire lorsque c'est lié et conditionné. Comme on l'avait cité l'exemple, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكَرِينَ. Et quatrièmement, مَا يَكُونُ نَقْصًا مَحْضًا. Les mots qui indiquent que l'imperfection, comme on l'a cité précédemment. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الَّتِي لَيْسَ فِيهَا نَقْصٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةَ ذَكَرَهَا. Et là, il y a une faïda. Vous pouvez vous poser cette question. C'est une question que je me suis posée. Où est-ce que l'auteur a trouvé ça ? C'est une faïda, il fallait la trouver. Où est-ce que l'auteur a déduit, a trouvé cela ? Regardez ce qu'il dit. Moi, je me suis posé la question, où est-ce que Shimon al-Thaymin a rapporté cette subdivision, ces différentes catégories de mots pour expliquer de cette manière très détaillée et très simple aussi à la fois. Il dit tout simplement, « ذَكَرَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي مَوَاضِعٍ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ كَلَامِ وَهِيَ وَاضِحَةٌ وَصَحِيحَةٌ. Il dit en fait, il les a trouvés à travers les explications et les propos du savant de l'islam. Du savant de l'islam, Ibn Taymiyyah. Sauf qu'il dit, selon ce qu'on comprend de la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah, que le Cheikh de l'islam ne les a pas mentionnés comme ça. Ne les a pas mentionnés comme ça. Mais il dit, on peut les retrouver à des endroits séparés. À travers la lecture de ses œuvres et de ses livres. Et ça, ça dénote une recherche et vraiment une connaissance des livres du Shir de l'islam. Donc il les a trouvés dans des endroits séparés des écrits de Shir al-Islam. Donc c'est ça le. Et ensuite, Shir, il les a rassemblés. Il les a rassemblés. Vous savez, l'auteur, Cheikh Al-Uthaymeen, certains l'appelaient Ibn Qayyim contemporain. Cheikh Al-Uthaymeen, c'est un savant qui s'est vraiment ancré dans la lecture d'Ibn Qayyim et des livres de Cheikh Al-Islam. Et on le voit à travers ses écrits et à travers ses cours. Et certains même le nommaient le Ibn Qayyim de notre époque. Beaucoup l'ignorent, c'était un océan de science et de savoir. Si vous lisez ses commentaires, il a enseigné des livres dans la grammaire. Et c'est pour ça que moi je passe des passages, parce qu'il y a des passages qui sont un peu techniques et compliqués, mais il rentre dans la grammaire arabe. Il parle de la grammaire arabe. Il peut, lui, utiliser et s'aider de la grammaire arabe. Pourquoi? Parce qu'il la maîtrise. Il a un commentaire de Jurumiya et d'autres livres. Donc il a enseigné la grammaire, il a enseigné Mustalah al-Hadith, les sciences et les terminologies du Hadith. Il a des livres où il enseigne Qawaid al-Fiqhiyya, il enseigne Usul al-Fiqh, il enseigne al-Fiqh, etc. Il a de grands écrits et des livres, des cours dispensés aussi audibles dans le domaine de la croyance comme celui-ci. Sauf que, parmi les particularités de ce livre, Al-Qawaid al-Muthla, c'est écrit de sa plume. Al-Qawaid al-Muthla, c'est écrit de sa plume. Lorsqu'on dit écrit, c'est-à-dire que l'auteur, vraiment, les propos du texte sont vraiment réfléchis. ثم قال رحمه الله تعالى مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال والحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها ومثال آخر قال العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لا يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان قال الله جل وعلا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين في سورة الأنعام Donc ensuite l'auteur, je vais vous traduire littéralement ce que dit l'auteur ensuite dans la première règle. Donc comme vous avez pu voir, on est dans la première règle. La première règle, ensuite, l'auteur dit. Donc la première règle, c'est, pour revenir, il dit la règle concernant que les noms d'Allah Azzawajal sont husna, sont les plus beaux, les meilleurs. Après qu'il ait dit ça, l'auteur donne des exemples. Il dit par exemple, parmi les noms d'Allah, on a Al-Hayy. Al-Hayyu, le vivant. Il dit le vivant fait partie des noms sublimes d'Allah, une traduction rapprochée. Il dit, il est l'un des noms d'Allah exalté, comprenant une vie parfaite. C'est-à-dire, lorsqu'on dit qu'Allah huwa al-hayyu, le vivant, c'est-à-dire qu'Allah détient la vie parfaite, à l'extrême de la perfection. Comprenant donc une vie parfaite, une vie qui n'a jamais été précédée d'une période d'inexistence, de néant. Lorsqu'on dit qu'Allah huwa al-hayyu, celui qui est le vivant, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal est le vivant dont sa vie est à l'extrême perfection. Une vie qui n'a jamais été précédée du Adam, de l'inexistence. Vous avez vu, lorsqu'on dit le nom d'Allah, le vivant, c'est-à-dire celui qui détient la vie parfaite, à l'extrême de la perfection. Et ça, le musulman doit le savoir et doit le connaître et doit méditer cela. Et cette vie-là n'est pas affecté par l'extinction. Allah a toujours été et il sera toujours. Allah est l'éternel. C'est-à-dire qu'Allah est le premier. Allah est le premier. Dans le sens qu'Allah a toujours été. Subhanahu wa ta'ala. Bila bidaya, sans début. Il a toujours été le vivant, subhanahu wa ta'ala. Et donc sa vie n'a pas été précédée par ce qu'on appelle al-adam, contrairement à nous, contrairement aux créatures. Donc est-ce que les créatures, les hommes, on peut dire qu'ils sont vivants? Ou bien ça serait les associer au créateur? Ou les comparer au créateur? Là, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'on peut dire que les créatures sont vivantes? On peut dire que on est vivant? Les créatures sont vivantes? Est-ce que si on dit que les créatures sont vivantes, on les compare au créateur? Non. Ça, c'est la vie qui est spécifique aux créatures. L'indifférence, c'est que les créatures sont incomparables. On ne peut pas les comparer. Pourquoi? Parce que le créateur est incomparable. On ne peut pas comparer le créateur aux créatures. La vie du créateur n'a pas été précédée d'une inexistence. Tandis que nous, les hommes, notre vie a été précédée d'une inexistence. Comme par exemple pour le savoir. Comme on verra, l'ilm. Nous, notre connaissance a été précédée de la non-connaissance, de l'ignorance. Tandis que la science et le savoir, la science d'Allah plutôt, la science d'Allah est infinie. Elle est éternelle. Elle est à l'extrême perfection comme on le verra. Elle n'a pas été précédée d'une ignorance. Regardez dans un verset Allah Azzawajal, comme on va le voir, Allah nous dit, Allah vous a sorti des ventres de vos mères, vous ne connaissez rien. Qu'est-ce qu'on comprend? Que l'homme, lui, lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère, il ne connaissait rien. Ensuite, ce qu'il a su, il l'a appris. La différence, c'est que Allah ou Al-Alim, parmi ses noms, Al-Alim, souvent traduit en français par l'omniscient, Wallahu A'lam, est-ce que la traduction est pertinente ou non? En tout cas, Al-Alim, c'est celui qui a la science éternelle, parfaite, à l'extrême perfection. De même, la vie. Une vie qui comprend la perfection des attributs comme la science, le pouvoir, lui, la vue, etc., dit l'auteur. Autre exemple, il dit. Al-Alimu, comme on l'a dit précédemment, souvent traduit par l'omniscient, c'est-à-dire celui qui détient cette science éternelle et infinie. C'est l'un des noms d'Allah qui implique une science parfaite. La science d'Allah, Azzawajal, elle est à l'extrême perfection. Une science qui n'a jamais été précédée d'une période d'ignorance, contrairement à nous, les êtres. Et qui ne peut être affectée par l'oubli. La science d'Allah Azzawajal ne peut être affectée ou touchée par l'oubli. Allah Azzawajal nous dit dans un verset, قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى. Traduction relative du verset, la connaissance à ce sujet se trouve auprès de mon Seigneur. Et là, dans ce verset, on a la confirmation qu'Allah est le détenteur de la science parfaite. Et il dit dans un livre, mon Seigneur ne peut s'égarer ni oublier. Mon Seigneur, la yansa. Allah n'est pas touché par et ni affecté par l'oubli. Tafadhal. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة بعد الله. On termine en quelques minutes. Donc l'auteur ensuite nous dit, donc la science de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, c'est une science étendue, embrassant toutes choses, en général et en détail. Que ce soit ce qui est relatif aux actes de notre Créateur, aux actes d'Allah, ou bien qu'à ceux de ses créatures, c'est-à-dire les actes de ses créatures. Et c'est pour ça, dans une traduction relative, dans ce qu'on a lu précédemment parmi les versets qu'on a lus, l'auteur a cité le verset 59 de la sourate Al-An'am, des bestiaux, lorsqu'en une traduction relative, rapproché du sens du verset, de la parole d'Allah Azza wa Jal, Allah dit, regardez, observez, remarquez cet immense verset. Allah dit, il possède les clés du mystère. Nul autre que lui ne les connaît. Il sait ce qu'il y a dans le monde terrestre et marin. Il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il ne le sache. Il n'y a pas un grain dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Allah, dans ce verset, nous fait part qu'il a la connaissance de tout. Il a la connaissance, subhanahu wa ta'ala, de tout. Regardez, il dit, tout ce qui se passe, fil barr, sur terre, tout ce qui se passe dans le monde marin, maritime, Filbahr, Allah a la connaissance. Imaginez-vous un instant l'étendue de la terre. Allah Azza wa Jalla a la connaissance de tout ce qui se produit sur terre. Imaginez-vous l'étendue, la profondeur des océans et des mers. Allah a la connaissance de tout ce qui se produit dans les océans, dans les mers. Imaginez-vous. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit, il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il ne le sache. Imaginez-vous, à l'instant, toutes les feuilles qui peuvent tomber d'un arbre dans le monde, il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans que notre Créateur Allah Azza wa Jalla en ait la connaissance. Il a la connaissance. Et il dit, il n'y a pas un grain dans les ténèbres de la terre et rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre. Fikitab in Mubin. Fikitab in Mubin, les savants expliquent que c'est l'Ohl Mahfouz, dans la table bien gardée, où tout est inscrit. Et tout a été inscrit, tout ce qui se produit sur terre, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Allah a tout inscrit. Tout est consigné dans un Kitab Mubin, dans un livre. Tout est consigné. Qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend donc que Allah Azza wa Jal a une connaissance infinie, éternelle. Le croyant, lorsqu'il médite cela, qu'est-ce qui se produit dans son cœur ? Eh bien, il commence à connaître son Seigneur. Et il sait que son Seigneur a la connaissance de tout. Donc si, par exemple, tu travailles, tu sais que même si ton patron ou ton employeur n'est pas là, Donc il ne peut pas voir, est-ce que tu travailles ou est-ce que tu ne travailles pas? Est-ce que tu travailles bien ou est-ce que tu ne travailles pas bien? Il ne peut pas voir, il n'est pas là. Mais Allah voit. Donc que ton patron soit là ou que ton patron ne soit pas là, tu vas bien travailler parce que tu sais qu'il y a ton créateur qui a la connaissance de tout. Et Allah en plus, Was-Samir Al-Basir, est celui qui voit, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que un jour on a déjà relaté cette histoire. Un jeune garçon qui était très bon avec sa mère, très bienveillant et bienfaisant. Ken bar ma walidati ma ummi. Il était très bienfaisant avec sa mère, mais sa mère était touchée d'une maladie mentale. Elle savait pas que c'était son fils et elle reniait que ça soit son fils. Et donc elle disait à cet enfant, mais laisse-moi tranquille, tu n'es pas mon fils. Jusqu'à que akramakumullah, il est rapporté, les savants disent qu'elle lui crachait dessus. Akramakumullah. En lui disant, va-t'en, tu n'es pas mon fils. Un jour, son fils l'a ramené chez le médecin. Et lorsque le médecin, il a vu la manière dont cette femme agissait avec son enfant, il lui dit, mais comment tu fais? Elle te demande de partir, laisse-moi. Elle te renie. Elle va jusqu'à Akramakumullah lui cracher dessus. Comment tu fais? Et lui, il dit au médecin, moi, c'est ma mère. Même si elle me demande de la ramener en Umrah, je la ramène, faire le pèlerinage. Le médecin était ta'ajjab, staghrab huwa. Kif yaf'al huwa? Comment il peut? Et après, le jeune de lui dire, sachez que si elle ne sait pas que c'est ma mère, Allah il sait. Allah il sait que c'est ma mère. Comme cette femme à l'époque de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an, qui voulait tricher sur le lait, sa fille lui a dit, attention, le prince des croyants, Omar ibn Khattab, il a interdit cela, à l'époque lorsqu'il était calife, le deuxième calife de l'islam. Et la mère a dit à sa fille, mais comment il le saurait? Kefi arifoua, wa ghaib, il n'est pas là Omar. Alors que Omar, ce soir-là, il passait, il marchait, et il a entendu. Il a entendu cela. Regardez, c'est la elle fille, elle bint, sarira, la petite fille, elle a craint son créateur, elle lui dit, même si Omar, il ne voit pas, mais sache qu'Allah, il voit. Oh ma mère, si Omar ibn Khattab, il ne voit pas, il n'est pas là, mais Allah Azza wa Jal, il voit. Donc la connaissance qu'Allah Azza wa Jal huwa al-alim, al-samir, al-basir, lorsque tu travailles, même si ton employeur n'est pas là, tu sais qu'Allah te voit. Lorsque tu fais quelque chose, on t'a donné une amana, un dépôt, quelque chose à garder. Tu sais que sahib al-amana, il n'est pas là. Mais toi, tu vas préserver cette amana parce que tu sais qu'Allah Azza wa Jal te voit. Tout est une question de taqwa. Et tout est une question de connaissance de son créateur, subhanahu wa ta'ala. Mais il y en a qui se cachent des gens, mais se cachent pas d'Allah Azza wa Jal. Il y en a, ils ont de la pudeur, de la honte pour les gens, mais n'ont pas de la honte pour le créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que ce qui prouve là, l'iman, et je vais terminer sur ça, pourquoi le jeûne, on est bientôt au mois du ramadan, pourquoi le jeûne du mois du ramadan, Allah Azza wa Jal dit, sa récompense m'incombe. Lis, il dit, sa récompense m'incombe, pourquoi? Parce que le croyant, lorsqu'il est seul, wa huwa sa'im, il s'est abstenu de manger, de boire. Pourquoi? Alors qu'il est seul, dans des journées où il fait chaud, il n'y a personne qui le voit. Il pourrait boire un verre d'eau, il pourrait manger, il pourrait s'abreuver. Il ne le fait pas alors qu'il est seul. Pourquoi? Pour cela, sa récompense va être immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La récompense du jeûne, c'est pas tout le monde qui peut jeûner. As-siyam lil mu'minin. Le jeûne, c'est vraiment pour les croyants. Parce que lorsqu'on est seul, on pourrait, personne nous voit, la personne elle est tout seule, il pourrait boire ou manger, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'Allah azza wa jal yara. Wa hadafuna وغايتنا أن نصل إلى درجة الإحسان الوصول إلى الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك هذا هدفنا وهذا صعب. ليس كل مؤمن هو محسن، كل محسن هو مؤمن، لكن ليس كل مؤمن محسن كما قال العلماء، وليس كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم وهكذا. فدرجة الإحسان درجة عالية وعظيمة جدا جدا. Le degré de l'ihsan, أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، درجة عظيمة. وهذا هدفنا وغايتنا وهو المقصود، نحن نريد أن نكون من المحسنين، لكن هذا صعب، هذا يحتاج إلى جهود، جهود كبيرة حتى تصل إلى درجة المحسنين. والله جل وعلا مدح المحسنين في كتابه الكريم، مدح المحسنين، المحسنين مدح عظيم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المحسنين، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من الشاكرين، وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة، كما نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وفقكم الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.